cœur une seule flèche, Cupidon s'est senti mal. Au 100 mètres des sentiments, va tirer mon cœur au tire pas. Les langues de pute me roulent des pelles, je leur présente ma pine. Et si mes mots sont grossiers, sache que mon écriture est fluide. Tu te caches derrière le pardon Dieu et oublie ceux des concernés. Cernés sont mes yeux comme mon sourire s'est fait berner. Je suis borné de parler que de moi, mais crois pas trop narcissique. C'est juste ma manière de me comprendre, ma psychothérapie artistique. J'espère que je me retournerai jamais. Prêtez-moi une courde, il fait trop chaud dans ce putain de désert de regret. Elle ne voyait pas, regardez les cieux. Elle avait le regard revolver, j'y ai foutu un silencieux. Plus de mal que de bien, c'était pas une relation mais un match de boxe. Si l'amour est une drogue dure, je suis au cœur de désintox, putain. Mais pourquoi je parle que de ça, encore et encore? C'était que le début, ah d'accord, d'accord. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. À ouvrir ma gueule dans une cage, j'ai une haleine de faux. Pas besoin d'avoir de l'argent pour esquiller les rimes pauvres. Je suis à bout pourtant, je sens le bonheur à bout portant. Et si jamais je suis pas en rythme, c'est que je suis en avance sur mon temps. Trop agressif pour les oreilles simples et trop simple pour les puristes. Tu sais danser la vase des larmes, je t'emmène faire un tour de piste. Pardonnez-moi, je ne sais qu'exprimer ce qu'aspire mes soupirs. Peut-on vraiment se fier au sourire des douces poupées de cire? Mais tu veux que je te raconte quoi? Je sais pas chanter la joie. Et même si ça aurait été le cas, est-ce que tu l'aurais fait pour moi? Non, t'aurais préféré mettre des claques et de retrait dans tes illusions. Tant pis si la société te braque, tant que ta putain de télévision. J'ai de l'amour en moi et de la haine en émoi. J'ai honte de dire que ma seule vraie histoire d'amour n'a duré que moi. Une fille qui m'a vendu du rêve, mais que cette conne ait consulté. Mais je mentirais en disant vouloir passer 3 minutes 30 à l'insulter. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. Ma conscience fait son petit chemin, faut peut-être apprendre à pardonner. Mais t'as pris la vie à l'envers, tu veux recevoir avant de donner. Je comprends pas l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Ça se voit, tu peux connaître par cœur ta ville, mais te perdre dans ton cerveau. Au fond, mon cœur est un lac tranquille. Oublie les ricochets, mon silence remplissage c'était fauché. C'est que j'ai pété une carte cochée, la tête hochée. Je cache l'encoche dans un regard haineux. Petit frère, prends garde aux belles fleurs. La plupart sont vénéneuses, le monde au bout de mes petits doigts. Mais j'arrive pas à l'atteindre, cette lueur quand je pense à toi. Pourquoi j'arrive pas à l'éteindre? T'as des chances que je le sache, car au fond, on fait tout semblant. Main de velours dans un gant de fer, mais au fond, on pleure tout sanglant. Sanglant sont mes propos, car l'amour est une actrice. La seule question à poser, suis réponse à mes cicatrices. Mon texte à monopole du jeu, car le tu fais l'amour, arrête de te forcer à sourire. Tu vas choper des crampes au jou. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. Si l'amour est une droiture, je suis en cœur de désintox. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment. Les flammes de l'enfer m'acclament, même le diable s'incline. Ma main trouve ça là, mon cœur au fou. Ces sentiments paradoxaux, je t'aime dans ma haine. Lié entre les lignes, je t'offrirai ma plume et t'insulterai gentiment.